Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour, parce que c'est la seconde partie du podcast sur l'art. C'est toujours Monsieur Mauger au micro, au mic. C'est super. Bon, je vais tout de suite arrêter cette petite voix d'animateur radio des années 90. Et on va reprendre tranquillement. Ça devrait être beaucoup plus court que la dernière fois, puisque c'est la dernière partie de la séquence sur l'art. C'est le rapport entre l'art et la vérité. Je vous conseille évidemment d'avoir déjà écouté la première partie, de faire les choses dans l'ordre pour que tout soit bien clair pour vous. Comme je l'avais dit en sortie du dernier podcast, c'est pas très français, mais on s'en sort. C'est une question qui peut peut-être vous sembler bizarre, ce rapport entre l'art et la vérité. Mais en fait, c'est la question de la représentation dans l'art. Alors déjà, ça veut dire quoi représenter? Bah, littéralement, c'est présenter à nouveau. Et du coup, c'est l'exemple, je sais pas, d'un peintre qui peint un paysage, d'un sculpteur qui peint le corps d'un homme, d'une femme. Et du coup, c'est le rapport entre l'art et l'imitation et l'art et la représentation du réel. Est-ce que l'art nous rapproche de la vérité parce que les artistes s'inspirent du réel pour représenter ce qu'ils voient ou la façon dont ils le voient dans leur œuvre? Ou est-ce qu'au contraire, ils nous en éloignent et l'art ne pourra jamais nous faire accéder à une quelconque connaissance sur la réalité? C'est ça en fait le questionnement principal de cette partie, et c'est un questionnement très très vieux. C'est la question de la mimésis. Mimésis, c'est un mot grec qui justement veut dire imitation. Et c'est une question qui a été posée par Platon, mais qui, pendant 1000-2000 ans, dans toute la pensée occidentale, a alimenté beaucoup de débats. Et même en français, vous avez sûrement dû en parler aussi, avec des écoles comme le réalisme, le naturalisme, dont on va aussi un peu reparler aujourd'hui. Voilà ce qu'on va faire dans ce petit podcast. C'est parti du coup. On commence tout de suite par Platon justement. Alors Platon, si vous vous souvenez dans le cours sur la vérité, j'avais déjà parlé de sa théorie un peu étrange qu'on appelle l'idéalisme platonicien. C'est la théorie de la caverne, l'allégorie de la caverne, pardon, que vous avez peut-être en tête, où justement pour lui, les phénomènes sensibles auxquels on a accès à travers les cinq sens, ne sont déjà pas ce qui est le plus réel, ce qui a le plus d'intérêt, le plus d'importance, parce que pour lui, ce qui a le plus de réalité, ce sont les idées pures, les concepts purs. Je vous avais dit, si vous prenez la chaise sur laquelle vous êtes peut-être assis, assise, et le concept de chaise, pour Platon, ce qui est le plus réel, c'est le concept, et pas cette chaise-là précisément que vous avez en face de vous. Du coup, pour lui, c'est clairement l'abstrait qui a plus de réalité que le concret. C'est un repère, je ne sais pas si on l'a mis ensemble quelque part, ce repère-là, je vous le donnerai au pire, vous me le rappellerez, celles et ceux qui ont écouté ce podcast. Mais du coup, ça peut sembler bizarre pour nous, parce que c'est un peu à l'inverse de ce qu'on pense. Souvent, aujourd'hui, on dit, ah, c'est trop théorique, c'est trop abstrait, et ça veut dire que ça n'a pas trop de sens. Lui, c'est l'inverse, Platon, de ce qu'il défend, et c'est tout l'intérêt de l'allégorie de la caverne, de se rapprocher de la vérité en allant dans le monde des idées. Parce qu'en fait, ça se tient aussi, on peut le comprendre si on réfléchit un petit peu, parce que, bah, en fait, la chaise sur laquelle vous êtes, elle ne pourrait pas exister sans le concept de chaise. Et le concept de chaise, il est éternel, il est indivisible, on ne peut pas le casser, on peut pas le toucher, il sera éternel. Alors que la chaise, elle va se casser, celle que vous avez là, un jour, elle ne sera plus là. Je suis désolé pour vous de vous l'annoncer comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de réalité, d'après Platon, dans le monde des idées, le monde pur, abstrait. Et c'est même ces idées-là qui donnent leur réalité aux choses, parce que c'est à partir des concepts qu'on crée les objets. D'où le fait que, du coup, pour lui, il y a plus d'importance dans le monde des idées. D'où le terme d'idéalisme platonicien. D'ailleurs, c'est une théorie, une approche qui sera vachement reprise par les religions monothéistes par la suite, puisque Platon écrit ça en moins 400, on va dire. Je suis pas très fort en date, pardon. Mais du coup, l'approche de privilégier, on va dire, l'abstraction, l'immatériel, c'est quelque chose de très religieux aussi, dans les grandes religions monothéistes occidentales. Et alors, vous imaginez bien que partant de ce principe-là, de cette théorie-là, Platon, il ne peut que, on va dire, détester l'art, entre guillemets. Ou en tout cas, il va, lui, partir du principe que la mimésis, donc la représentation par des moyens artistiques de la réalité, c'est ça la mimésis, elle ne peut que nous éloigner de la vérité. Puisque c'est une imitation d'une imitation. Déjà que ce qui a le plus de réalité, ce sont les concepts purs, purement abstraits, immatériels, idéal, uniquement formels. Pour reprendre des petits repères, bah, si on fait une imitation d'une imitation, ça nous éloigne de 2 degrés de la réalité en fait. Plutôt que nous concentrer sur la réflexion, sur le fait de se détacher un petit peu de l'illusion du monde sensible et des phénomènes, et de se dire non mais ce qui compte c'est pas la chaise là, mais c'est le concept de chaise, et de commencer à s'extraire un petit peu de tout le monde qui est devant nous, des phénomènes qui ne fait que changer, qui n'a pas de stabilité, alors que les concepts, eux, en ont. Bah, si on s'intéresse à l'art, du coup, on s'éloigne encore plus de la réalité, de la vérité telle que l'entend Platon, puisque du coup, on va s'extasier sur la copie d'une copie, sur la copie artistique d'un phénomène sensible qui lui-même n'est que la copie d'une idée, pure et abstraite. Donc Platon dans La République, c'est une citation très très connue, il dit qu'il faut chasser les poètes hors de la cité, parce que bah, même pour la vie en communauté, pour Platon, c'est pas bien de se laisser berner, on va dire, par l'art, entre guillemets, et de s'éloigner de la réalité et de la contemplation philosophique des idées pures, pour dire « Oh, quel beau tableau, il a vraiment bien peint cette table ». Ça, c'est pas un truc qui va nous permettre de réfléchir comme il faut pour Platon. Donc sa première thèse assez forte contre l'art, hein, quelque part, en tout cas, plutôt pour dire que l'art ne pourra jamais rien nous apprendre d'utile sur la réalité, au contraire. Au contraire. Ça, c'est Platon. Après vient Aristote, l'élève de Platon, qui, on l'a déjà vu plusieurs fois, est en désaccord avec son maître sur beaucoup de choses, y compris ce point-là. Parce que justement, alors que Platon, lui, il considère un peu la mimésis et la création artistique comme une simple imitation de la nature, Aristote va insister sur l'idée de représentation. Il va un peu redéfinir la mimésis. Pour Platon, la mimésis, c'est de l'imitation pure et simple. Pour Aristote, c'est de la représentation. C'est présenter à nouveau, comme je l'ai dit au début, mais du coup, avec les moyens inhérents à l'art qu'on utilise. C'est-à-dire que oui, un poète, un dramaturge, quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, va s'inspirer de la réalité, mais va forcément devoir, après s'être inspiré du réel, le reproposer, le représenter au spectateur avec les moyens du théâtre ou de la poésie. Du coup, ce sera jamais que de l'imitation pure et simple. Et c'est du coup Aristote qui, dans l'ouvrage La Poétique, très très célèbre, très très une grosse référence. En français, vous avez déjà dû en entendre parler, parce que à la Renaissance, du coup, 16e siècle, quand on redécouvre un peu les textes antiques, on redécouvre aussi beaucoup la poétique d'Aristote, et la règle des trois unités que vous avez vue au théâtre, unité de lieu, de temps et d'action, c'est Aristote, ça, c'est dans la poétique. Quand il parle de la tragédie et du théâtre, et qu'il donne des conseils pour être plus efficace dans la représentation et pour que les tragédies aient un effet sur le public. L'effet d'ailleurs dont parle Aristote, qui est le plus connu aussi, c'est la catharsis. Le fait qu'à la fin d'une tragédie, on doit ressentir pour les personnages de la terreur et de la pitié. En fait, vu que la tragédie, souvent les tragédies grecques, c'est un déchaînement de passion, c'est des gens, c'est de l'inceste, des meurtres, etc. À la fin, on n'a pas envie d'être dans leur situation, et on se rend compte que uniquement écouter ces passions violentes, c'est pas une bonne idée dans la vie. Et du coup, la catharsis, c'est l'idée que, wow, on est tellement choqué, on ressent tellement de terreur et de pitié pour les personnages, qu'on se dit que ça nous calme un peu. C'est, ok, on fera pas ça dans la vie, quoi. Là, je viens. En fait, le voir, ça permet quelque part de se défaire un peu de ce genre de passion qu'on a tous et toutes aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore d'effets cathartiques pour les jeux vidéo, pour la musique, etc. Genre, ça nous défoule, quand on est énervé, ça nous soulage un peu. Donc aujourd'hui, on a un peu élargi le concept de catharsis, mais de base, il vient d'Aristote, il vient de la poétique et il parle de la tragédie. Et si l'effet d'une tragédie peut être cathartique, c'est bien qu'elle nous dit quelque chose de la réalité, elle nous dit quelque chose sur nous, du coup, à travers la représentation, à travers cette nouvelle définition de la mimésis. C'est que du coup, ça nous éloigne pas de la réalité, comme disait Platon, ça nous dit quelque chose du réel. En fait, l'idée, c'est que il parle de la poésie, par exemple, Aristote, pour dire que la poésie, c'est presque plus utile que l'histoire, parce que en fait, ça parle de ce qui pourrait se passer en observant les hommes, comment ils se comportent dans le théâtre ou dans la poésie. On parle des humains en général, alors que l'histoire, vu qu'elle ne parle que de faits, que de choses qui sont vraiment arrivées, elle ne parle que de faits particuliers, précis. Du coup, elle dit ce qui se passe, quand le théâtre, la tragédie ou la poésie dit ce qui pourrait peut-être se passer. Et du coup, ça nous apprend quelque chose du réel. Et c'est pareil pour la sculpture, pour la musique, etc., etc. Donc voilà. Là, c'est une vision plus positive de la création artistique amenée par Aristote, grâce à la mimésis et grâce à cette idée que, bah oui, les artistes s'inspirent de ce qui se passe et ils le représentent avec les moyens de leur art, et que ça peut nous apprendre des choses sur nous, sur le monde, etc. Peut-être pas des choses concrètes, précises, certifiées comme dans la science, mais c'est un moyen d'accès à la vérité quand même, parce que bah, on s'inspire de ce qu'on voit et on le traduit dans le langage de l'art qu'on pratique. Et donc ça nous dit ce qui pourrait peut-être se passer. En gros, si je résume de façon assez rapide. Donc ça, c'est la théorie dominante, on va dire, de la création artistique et de la mimésis pendant très très longtemps, qui a inspiré bah, les auteurs que vous connaissez, hein, Racine, Corneille, etc. Eux aussi, ils avaient lu la poétique et ils essayaient de s'inspirer de ça et de travailler à partir des thèses aristotéliciennes, des thèses d'Aristote. Voilà. Cette idée du coup de représentation artistique plutôt que de simple imitation, donc le versant un peu plus aristotélicien et un peu plus positif de la création artistique, il va aussi être repris par des auteurs que pourtant peut-être on n'imagine pas, on va dire, aussi OK avec le fait de ne pas être totalement et purement réaliste, mais de s'inspirer du réel et de le représenter avec les moyens qu'on a à notre disposition, que ce soit de la musique, de la poésie, du théâtre, peu importe. C'est les réalistes ou les naturalistes. Dans le cours, vous verrez, il y a un extrait d'un prologue d'un livre de Maupassant, qui du coup est un auteur naturaliste, que vous avez peut-être étudié en français. Et du coup, le naturalisme, c'est comme Zola, c'est une version plus poussée du réalisme où on essaye presque d'être scientifique et extrêmement précis et détaillé. Et pourtant, dans ce prologue, c'est important de le lire. Je pense qu'il n'est pas très compliqué en plus, parce que c'est un auteur qui parle plus qu'un philosophe. Il dit qu'il faut avoir l'air vrai plutôt qu'être vrai. Il faut faire vrai. En fait, il dit que c'est un illusionnisme, en fait, le réalisme, parce qu'on ne peut jamais être totalement réaliste dans nos œuvres. Et imaginez un roman qui serait purement réaliste, qui serait le plus réaliste possible, et Maupassant a dit que ce serait illisible, parce que tous les jours, il nous arrive des millions de choses qui ne sont jamais hiérarchisées. C'est-à-dire que dans votre journée, le moment où vous vous tapez le petit doigt de pied contre une porte, et le moment où vous avez, je sais pas, deux en maths, bah, ils sont au même niveau en fait. S'il y a pas dans un film ou une série, il y en a un qui serait plus important que l'autre, mais dans la vie, il n'y a pas hein, de gros plans sur votre tête quand vous recevez votre copie. Du coup, tout est au même niveau. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune, on va dire, arc narratif, aucune progression. Il n'y a pas du plus important au moins important ou l'inverse. C'est pas bien rangé. Pareil, si on voulait être totalement réaliste, Maupassant, il dit dans son extrait, bah du coup le personnage pourrait mourir au bout de deux pages, écrasé par une voiture, parce que ça arrive. Et du coup, il y a tellement de choses qui arrivent, tellement désordonnées, que déjà, même si on voulait décrire, je sais pas, une heure, ça prendrait des centaines de pages, si on voulait être extrêmement précis et tout dire. Du coup, Maupassant dit dans son extrait, dans le prologue de Pierre et Jean, dans la préface de Pierre et Jean, pardon, en fait, on fait forcément des choix. Il y a des choses qu'on ne dit pas, on trie, on met l'accent sur ça plutôt que ça, et du coup, on n'est jamais purement réaliste. On fait forcément des choix. Et ce qui compte, bah, c'est de faire vrai plutôt que d'être vrai. Et c'est assez intéressant. On va prodisser un exemple, encore une fois, dans du rap, encore une fois, SCH d'ailleurs. On va écouter une chanson. C'est un live de la chaîne Colors, peut-être que vous connaissez. C'est une chaîne YouTube où les artistes jouent leurs chansons en live, dans un joli décor, avec des belles couleurs. Et voilà, donc là, c'est un extrait. Donc c'est une performance live d'une seule traite, pas en studio, d'une chanson de SCH qui s'appelle Loup Noir et qu'on va écouter tout de suite. Allez, c'est parti. Je suis Koé. Incroyable. Les sourires et les faux semblants, et quelques gouttes ont suffi à l'élixir pour être mortel, que des caisses noires dans le cortège. Des trois pièces et des longs impairs qui cachent les guitares, des refs au mitard, les faits divers en hiver. J'ai fait 100 000 avant le mi-père. Je m'entraîne à sourire devant la glace, je m'entraîne à souffrir sans remède. La petite maison est en ruine, quand la faim pense, le cœur est en grève. La vie c'est mener les bons choix, l'image vient sans même une esquisse. Dans le dos les chlasses traversent la Redskins, la trahison des gens qu'on estime. J'ai pas vu père fermer les paupières. Tête dans le guidon, c'était le frigo, une chaîne de vie à se lever aux aurores. J'aurais jamais su comment faire, non. J'aurais jamais su comment perdre avec la haine de ce qu'on enferme. Et quand les yeux se ferment et que tout est noir, quand les mots se perdent. Tu veux tuer un homme, prendre du sky et des faux espoirs. Et quand les mômes se perdent dans les sinueux couloirs des enfers, on sera de retour 2 minutes avant que les revolvers leur jouent du tonnerre. Hey, l'orage est parti, où est le soleil? Mon deuil n'est pas fait, où est mon sommeil? Je parle de vraies choses qu'on vit ici. de vrais flingues qu'on a tenus, d'un vrai sang qui s'est versé, de la seule femme qui m'a bercé, de vrais potes qu'on a perdus. Des pensées noires et des nuits blanches, des armes, des enfants terribles, le béton, le bruit du ciment, là où on veut pas finir en terrine. Des gens m'ont trahi, j'ai la nausée. J'étais pas un flingue et quelques roses sur le verso d'un livre usé. Énumérer ce que j'y ai laissé, prendre un maximum pour papa, comme si j'allais le faire renaître d'entre les morts comme un dieu grec. Tous les bleus que j'ai autour du cœur, tous ces billets français dans mon sac. Trop jeune pour embrasser le plan, mais trop jeune pour vivre tout ça. Des porcelinos dans la nuit, des porte-flingues tournent dans la ville. Tu sens éponger dans la cuisine, des billets qui flottent dans la piscine. Little Italy, Corleone sous Michael, Marie Curie dans la comtesse, là où le ventre est le prompteur. La fin justifie la violence, là où la violence est la réponse, là où la violence est le moteur, là où la violence est le docteur. Vivons cachés, vivons gantés, faisons le tour du monde entier avant qu'une balle nous arrête. JVLIVS. Alors, donc très belle chanson, bravo Julien, je crois qu'il s'appelle Julien. C'est intéressant parce que ça correspond totalement à la théorie de Maupassant dans la préface de Pierre et Jean dont on parlait. C'est que là, SCH, il fait vrai plutôt qu'il ne, il n'est réaliste au sens le plus strict du terme. Il représente la réalité, mais il ne la décrit pas telle qu'elle est. Parce que on voit bien, même s'il insiste beaucoup sur je parle des vraies choses qu'on a vécues ici, des vrais trucs, nanana, il y a quand même aussi pas mal d'incursions cinématographiques dans les métaphores, dans les images. Et il parle de Borsalino, c'est un chapeau de mafieux. Il parle de billets qui volent dans la piscine, c'est une image très filmique, on pense au film de gangster et tout. Du coup, il mélange un petit peu des choses qui lui sont sûrement vraiment arrivées. Il parle de son papa, de la faim, donc de la galère, quoi. Mais aussi, du coup, très vite, il romance un petit peu ça. Sauf que ça nous permet, ça ne nous éloigne pas tant de la réalité, parce qu'en fait, quand on prend la performance telle qu'elle, bah, ça nous permet d'y croire presque un peu plus, quoi. Il se construit un personnage basé sur de la réalité, mais aussi c'est les moyens du rap, c'est la mise en scène de la personnalité, c'est, on va dire, les images fortes et frappantes. Et du coup, grâce aux moyens de son art, le rap, il permet de représenter le réel et de nous en apprendre peut-être un peu plus. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est transmis de l'ordre, je sais pas, de l'empathie ou de la persévérance dans la chanson, sur un fond un peu triste. Et du coup, bah là, en fait, comme le dit Aristote et comme le dit Maupassant, il représente le réel, il ne le décrit pas, il ne l'imite pas, contrairement à ce que dit Platon. Il utilise les moyens propres à sa forme artistique, donc la mise en scène de soi, les images choc, pour nous dire quelque chose de la réalité. Donc je trouve que c'est pas mal comme exemple. Après, je sais pas si au bac ça passe. Dans le doute, vous pouvez parler d'Émile Zola, hein, un peu moins rigolo, mais vous avez sûrement étudié un peu en français, qui lui aussi, du coup, est naturaliste, comme Maupassant. Donc c'est un courant de réalisme un peu plus poussé, un peu plus scientifique, normalement. Parce qu'Émile Zola, il voulait démontrer par ses romans des théories comme l'hérédité sociale ou l'hérédité génétique. Donc il a fait 40 romans, je ne sais plus combien, dans une saga familiale où il veut montrer que les caractères des parents se retrouvent chez les enfants, etc. Mais là, du coup, lui qui est très réaliste, hein, Zola, il se baladait quand il allait écrire un roman comme L'Assommoir qui parle du travail dans les mines. Il allait une semaine dans les mines avec son carnet, il notait tout, il regardait, il apprenait le nom précis des outils et tout. Donc très très précis, très très réaliste au sens basique du terme. Sauf qu'il y a des moments dans ces romans où il y a du registre épique. C'est-à-dire que du coup, le registre épique, c'est quand on exagère, c'est quand on raconte des épopées avec des héros comme Ulysse dans l'Odyssée et l'Iliade. Et il y a des moments comme ça, du coup, dans les romans de Zola. Ou je sais plus dans quel roman c'est, où il décrit la foule qui chante la Marseillaise. Et là, il la compare à un flot, à une marée humaine qui bouge les montagnes, dont le chant devient un cri incroyable qui résonne partout et tout. Donc là, en fait, c'est des moments où il sort un petit peu de la description pure de la réalité, où il romance aussi un petit peu, et pourtant ça marche, et ça me permet de plus être dedans, et c'est aussi les moyens propres à la littérature d'utiliser les métaphores, les différents champs lexicaux, etc., pour nous faire vivre et imaginer la chose. Donc la thèse de Maupassant dans la préface de Pierre et Jean sur le réalisme, où il faut faire vrai plutôt qu'être vrai, elle est assez intéressante et elle se retrouve à la fois dans une chanson de rap assez récente que dans des romans anciens. Donc voilà, je pense que c'est intéressant déjà. Et on peut aussi voir ça dans la peinture, avec l'impressionnisme. C'est un courant de la moitié du 19e siècle qui est une sorte de réaction à l'art un peu académique, à l'idée qu'à l'époque, peindre le réel, ça se faisait comme ça et pas autrement. Il y avait des peintres très respectés, exposés dans des musées nationaux, financés un peu par l'État et tout. Et il y avait cette nouvelle génération de peintres, Claude Monet, Auguste Renoir, qui, eux, voulaient peindre un peu différemment. Et vous voyez dans le cours, je vous ai mis un tableau d'Auguste Renoir qui s'appelle La Grenouillère, je crois, où en fait, c'est pas du tout une vérité froide avec des règles de perspective très précises. C'est beaucoup plus flou, on va dire. C'est des petites touches pour représenter le réel tel qu'on est censé le voir, nous, en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde un paysage, on le voit jamais tel qu'il est vraiment sur un plateau tout plat, bien propre et tout. C'est beaucoup plus flou, la lumière nous rentre dans les yeux, on fait plus attention aux ombres et aux lumières, aux contrastes. Ce qui est loin, on le voit un petit peu de plus façon plus furtive, plus floue, plus fugitive. Et du coup, les impressionnistes vont vouloir retranscrire ça dans les tableaux. Et du coup, on va dire se concentrer plus sur comment on perçoit la réalité plutôt que sur des règles techniques très précises héritées d'il y a très longtemps. Et eux, ils vont provoquer vraiment un chamboulement dans le monde de l'art. Au début, personne va. Tout le monde va trouver ça nul, l'art officiel, on va dire, non, mais c'est pas comme ça qu'on peint, vous faites quoi, les gars? Et ils vont finir par s'imposer quand même et à vraiment changer la façon dont on peint, ce qui va donner ensuite lui à d'autres courants artistiques qui vont pousser un petit peu plus loin la démarche. Mais du coup, là aussi, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette idée d'être vraisemblable, de faire vrai plutôt qu'être vrai. Ils vont, grâce à des techniques artistiques, grâce à quelques petites, on va dire, illusions, enfin des petits trucs pour des petites techniques pour nous filouter un petit peu dans leur tableau, retranscrire ce qu'on voit réellement, plutôt que ce qu'on est censé voir quand on fait tout bien comme il faut et qu'on respecte les techniques ancestrales de perspective, etc. Donc là aussi, on pourrait aussi se poser la question du génie qu'on a vu dans la première partie, dans le premier podcast, parce qu'il vraiment il donne un nouveau modèle, mais surtout aussi la question du coup, ce qui compte c'est faire vrai et pas être vrai. Et ce qui est plus vraisemblable, bah, c'est un tableau un peu flou avec des moments où on est ébloui. Du coup, la lumière cache un petit peu une partie du paysage, etc., etc. Donc vraiment, regardez le tableau, faites attention, vous verrez, c'est assez intéressant comme démarche et ça se retrouve pas mal avec ce qu'on disait juste avant avec Zola. Avec SCH et du coup la théorie de Maupassant qu'il développe dans la préface de Pierre et Jean. On en vient en fait après à une citation un peu intéressante d'Oscar Wilde, qui est un auteur anglais de la fin du XIXe siècle, qui écrivait des pièces de théâtre, etc. Qui, alors si Platon disait que l'art imite la nature, d'où le fait que ce soit pas intéressant pour accéder à la vérité d'après lui, Oscar Wilde il retourne la phrase, il dit la nature imite l'art. Alors là on se dit non, bah Oscar tu déconnes, ça veut dire quoi? Comment c'est possible que la nature imite l'art? Je sais pas, les arbres vont pas pousser différemment parce que quelqu'un les a peints tordus. C'est bête. Puisqu'en plus l'art c'est de la culture, la nature bah, c'est de la nature, les deux sont opposés. On voit pas comment ça pourrait marcher, cette idée de nature qui imite l'art. Qu'est-ce qu'il veut dire Oscar Wilde? Parce qu'il était un peu provocateur, il aimait bien un petit peu faire parler de lui et faire le malin. Mais là quand même, il y a un sens un peu plus profond que ça à la phrase. C'est l'idée qu'en fait, les œuvres d'art qu'on voit vont influencer la façon dont on perçoit le réel. Pareil, j'ai un autre exemple dans le cours d'un tableau de William Turner, qui est un peintre anglais du 19e, très connu, seconde moitié du 19e, hein, pardon, très connu pour avoir peint les brouillards de Londres. Et Oscar Wilde dira, mais avant Turner, il n'y avait pas de brouillard. Parce qu'en fait, les gens ne faisaient pas attention à ça, et ne, bah, il y a du brouillard, quoi, on s'en fout, c'est chiant, on voit pas bien. Et quand William Turner, qui a fait plein de tableaux sur les brouillards, a commencé à avoir de la reconnaissance publique et à être un petit peu connu, bah les gens ont commencé à apprécier la beauté des brouillards. Et du coup, c'est en ce sens qu'Oscar Wilde dit « la nature imite l'art ». En fait, c'est plutôt « l'art change notre rapport à la nature ». Et on fait plus attention aux choses et à leur beauté quand l'art nous a dit « hey, regarde, t'as vu, ça peut être beau ça ». Et on se dit, ah oui, c'est vrai, ça peut être beau. Et du coup, nous, après, une fois qu'on a été sensibilisés à ça, on va plus s'arrêter sur ces petits détails. L'exemple classique, je pense, c'est les couchers de soleil. Aujourd'hui, si on a Instagram, un beau coucher de soleil, c'est super. Ou c'est romantique et tout. Mais en fait, ça, c'est très récent. L'idée que tout le délire autour des couchers de soleil, mais je sais pas, il y a 200 ans, tout le monde s'en foutait des couchers de soleil. Pourquoi est-ce que c'est devenu un thème récurrent dans les films, dans les photos et tout ça? Parce que des peintres ont commencé à s'y intéresser parce que c'est devenu un motif récurrent dans les œuvres romantiques et dans la peinture romantique première moitié du XIXe siècle. Tout le monde s'en foutait avant des couchers de soleil. Donc ça montre bien l'idée de Turner qui est assez intéressante et qui en plus c'est une sorte de continuité et de prolongement de ce qu'on a dit avant. Si on parle de l'art imite la nature et du coup les éloigne du réel comme disait Platon, qu'on en arrive à non, l'art représente le réel avec Aristote, qu'ensuite on s'intéresse à comment il le représente, du coup l'idée de faire vrai plutôt qu'être vrai avec Maupassant et tout ça, on en arrive à l'idée que ça peut changer notre perception du monde. Et dernier point, bah si ça peut changer notre représentation du monde, l'art, on peut faire de l'art engagé qui véhicule certains messages. Ça, vous allez le voir en français, je pense, avec des poètes engagés, etc. Mais du coup, c'est intéressant aussi de se dire, l'art peut nous dire quelque chose du réel et même nous faire changer d'avis, en tout cas nous influencer, nous faire réfléchir. Et vous avez beaucoup d'exemples, je pense, assez classiques d'œuvres engagées. Dans le livre, dans le manuel, il y en a quelques-uns dans la peinture avec la famille qui ressemble à des Kinder, là, la famille aryenne, qui critique un peu la théorie nazie qui est faite par un peintre allemand dans les années 30, vous verrez dans le manuel. Et il y a plein d'autres, bah, des rappeurs, etc. Même ça, après le rap, je pense que c'est un peu plus compliqué comme débat, on pourra en parler peut-être, parce que ils critiquent des choses, mais tous ne le font pas avec le même message à la fin. Donc on pourra peut-être en reparler en classe, ça serait intéressant. Si j'oublie, peut-être me rappelez-moi, rappelez-le-moi, ça montrera que vous avez été attentif ou attentive, c'est déjà ça. Voilà, donc l'art engagé, je mettrai, je pense, pour finir le podcast, une chanson française, pour pas mettre que du rap, qui est un peu engagé, vous verrez. Et là, on arrive quelque part presque à la fin du cours, et on termine sur les débats un petit peu contemporains liés à l'art. Il y a deux choses à dire, bon, peut-être plus, je sais pas. Il y a des choses à dire, plusieurs. Premier, c'est qu'il ne faut pas confondre, vous, marché de l'art et industrie culturelle, parce que je vais parler des deux. Le marché de l'art, c'est le milieu très fermé, des tableaux qui se vendent cher, qui sont exposés dans des galeries, etc., etc. Ça, c'est le marché de l'art. On peut critiquer, on va dire, la financiarisation du marché de l'art, le fait que maintenant des gens spéculent et font comme à la bourse sur des œuvres d'art. À lui, j'achète le tableau parce que je pense qu'il va percer, je pourrais le revendre beaucoup plus cher et tout. Ça, c'est le marché de l'art. C'est un milieu très fermé, très bizarre, où il y a beaucoup d'argent. Mais c'est assez spécifique. On peut critiquer la flambée des prix dans le marché de l'art, comme on peut le faire dans le foot, par exemple. Mais c'est pas l'industrie culturelle. C'est pas pareil, ça. Ça, c'est pas le marché de l'art. C'est autre chose. L'industrie culturelle, c'est quoi? C'est ce qu'on consomme tous les jours. Les médias de masse, c'est Netflix, Prime, tout ce que vous voulez. Déjà, c'est intéressant le mot industrie culturelle. Parce que presque, ça s'oppose à tout ce qu'on disait dans le premier podcast. L'industrie, c'est la production à la chaîne d'objets. Et la culture, pas au sens philosophique très large de tout ce que crée l'homme, mais au sens où on l'entend un peu aujourd'hui. Ah, il est cultivé, il a de la culture. C'est-à-dire qu'il a des références artistiques, historiques. Etc., qui sont bien vues, qui sont légitimes, qui sont celles qu'on attend pour briller en société, bah, l'industrie culturelle, ça semble presque un peu opposé, puisque quand on est cultivé, on connaît plein d'œuvres d'art, des références historiques, on connaît du coup des choses qui ne sont pas industrielles, qui sont artistiques, qui sont dans cette vision de l'art qui s'est développée depuis 150 ans, où l'art est totalement distingué, différencié de la production industrielle et autrefois artisanale. Du coup, c'est bizarre cette idée d'industrie culturelle. Pourtant, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il fait référence justement à cette, on va dire, à ce média en flux, ces médias en flux qu'on consomme tous les jours et disons qu'on consomme. On ne regarde plus, on ne fréquente plus les œuvres d'art comme on le ferait dans un musée ou quand on se pose chez soi pour lire. Une série Netflix, on la consomme, on la binge-watch. Et c'est ça qui est un peu étrange, c'est que l'industrie culturelle et les œuvres d'art sont devenues beaucoup plus des produits de consommation qu'on oublie, qu'on consomme en rentrant, et plus vraiment du coup de l'art comme on pourrait l'imaginer de façon presque un peu pompeuse et ennuyeuse quand on pense à des tableaux et tout. Mais on y perd un peu quelque chose parce que du coup, en fait, ce qui compte, c'est plus tant le message de l'artiste et ce qu'il a envie de véhiculer à travers son œuvre, comment il veut représenter le réel avec les moyens qui lui sont propres, pour reprendre la définition d'Aristote de la mimésis. Non, là, presque, c'est du business, quoi. C'est ce qui va être le plus rentable, ce qui va faire le plus d'argent. Et ce sont des considérations financières plutôt qu'artistiques qui vont primer. Et alors, c'est pas juste une critique de vieux boomer et tout, parce que c'est un fait, on va dire. Netflix et les autres plateformes de streaming maintenant utilisent des algorithmes, c'est-à-dire qu'ils récoltent des données sur les visionnages qu'on fait, genre, ah là, la personne, elle ils ont un peu avancé ou ils ont fait pause, ils ont repris longtemps après, c'est que ça a dû les ennuyer. Et du coup, ils essayent à travers toutes ces données qu'ils récoltent sur comment on regarde leur série, d'utiliser des algorithmes pour dire, ok, il faut que le rythme il soit comme ça, rapide, rapide, rapide, faut pas qu'il y ait de temps mort. Enfin, je donne pas d'exemple précis, vous le comprenez bien, mais ils vont du coup transformer la façon dont ils créent pour que ça soit plus agréable, plus plaisant, plus divertissant. Et c'est tout ce que vous m'avez dit quand on a parlé d'art au début ensemble en classe. Ah, c'est pour se divertir. Mais se divertir, je vous l'ai dit, c'est un mot en philo qui a un sens assez précis, le divertissement, parce que c'est le concept d'un philosophe qui s'appelle Pascal. Je pense que j'y reviendrai dans la religion sur le divertissement, mais je peux l'expliquer très rapidement ici. C'est l'idée du coup de... Justement, bah, vous l'avez bien compris, divertir, c'est bah, ne pas réfléchir, ne pas regarder les choses en face, c'est oublier quoi. En anglais, on parle d'escapism, le fait de s'échapper un petit peu du monde réel en regardant un film, en écoutant une musique, en jouant à un jeu, et du coup, sorte d'exutoire, d'échappatoire, et du coup, pour se divertir. Je sais pas, la vie c'est dur, du coup, vas-y, on va regarder, je sais pas, quoi, une série Breaking Bad, non, c'est trop vieux pour vous, on va regarder La Casa de Papel. Jamais vu, ça a l'air nul à chier, je vous le dis, voilà. Peut-être vous pouvez me convaincre de l'inverse, mais j'ai pas l'impression que ça vaille le coup. En tout cas, ça n'a rien à voir. Justement, maintenant, vous avez raison, entre guillemets, mais vous êtes un petit peu trop matrixé par l'ambiance actuelle. Vous dites, oui, c'est pour se divertir quand on regarde des séries, des œuvres et tout. C'est vrai, mais en fait, ça, c'est déjà un petit peu triste, on va dire, ou... C'est pas censé être là, c'est pas censé être ça, l'art de base, c'est pas censé être uniquement un divertissement. On est censé, si on repense à la définition du jugement esthétique chez Kant qu'on a vu, genre comment on sait qu'un truc est beau, c'est que ça fait jouer un peu notre entendement, notre imagination, qu'on n'arrive pas bien à le définir, bah c'est que ça nous fait un truc, quoi, qu'on ressent quelque chose, que ça se consomme pas comme ça, mais que ça se fréquente, c'est le mot que j'ai employé dans le dernier podcast, parce qu'il faut y revenir, au début peut-être on comprend pas, après on réfléchit un peu, on se pose, et ça nous provoque des émotions. Alors que dans l'idée d'industrie culturelle et de biens qu'on consomme et qui sont là pour nous divertir, bah, il n'y a pas grand-chose, c'est assez tiède, ça fait passer le temps, mais ça ne dit pas grand-chose, c'est presque une formule qu'on applique, et je pense qu'on a tous déjà ressenti ça devant des séries Netflix, où on sent juste qu'ils ont un cahier des charges, comme on dit, ça parlera au STMG, qu'ils appliquent une formule, et hop, c'est plié, il y a toutes les étapes qu'on attendait, et rien de plus, et c'est comme manger un McDo, quoi. Ça fait plaisir sur le coup, mais on n'en retient pas grand-chose. Et c'est un peu dommage, et c'est presque... Bah, politique au sens très large, je crois que c'est un philosophe, vous n'êtes pas censé connaître, hein, c'est un peu trop pointu, qui s'appelle Adorno, qui parle du fait que quelque part maintenant, l'art est devenu, on va dire, juste un moyen de se reposer après la journée de travail, pour oublier un petit peu, se divertir, et hop, qu'on y retourne le lendemain et qu'on redevienne efficace. C'est comme si, ouais, c'est ça, c'est pas censé nous élever, nous faire réfléchir, nous faire voir le monde différemment. Hein, la nature imite l'art, comme Oscar Wilde. Non, non, c'est juste, allez, tu vas oublier ta vie un peu nulle d'exploiter pendant 2-3 heures, et comme ça, le lendemain, tu seras assez en forme, mais pas trop, pour y retourner. Mais faut pas trop réfléchir non plus, sinon après, tu vas commencer à te poser des questions. Je résume très grossièrement, vous vous en doutez bien, mais l'idée, c'est un peu ça. L'art, c'est censé nous élever, nous faire réfléchir, nous offrir d'autres moyens de voir le monde, comme les impressionnistes, par exemple, censé avoir quelque chose en plus, quoi. C'est fou, la création artistique, d'arriver à représenter le réel avec des moyens, avec une vision propre à un certain artiste. C'est pas juste censé être un truc divertissant, en fait. Bien sûr que ça existe, l'art divertissant. Ça veut pas dire qu'il faut jamais se divertir. Ça veut dire que c'est pas censé être que ça tout le temps. Et là, c'est un peu la tendance qui se dégage, et on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Même aujourd'hui, au cinéma, on distingue les films d'auteur des autres films. Comme s'il y avait certains films où ça allait être un peu chiant, il allait falloir se prendre la tête, et d'autres qui sont bah voilà, des biens de consommation sympathiques. Mais normalement, c'est pas ça. Normalement, tout est censé... En fait, ça peut être agréable et en même temps intéressant et nous faire réfléchir. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, normalement. Et c'est fou qu'on arrive à, dans notre perception, nous faire croire que c'est soit du divertissement, soit prise de tête. Bah, normalement, non. Quand c'est bien fait, l'art, ben, ça fait les deux. Et c'est assez intéressant, et je pense pour vous, ça peut valoir le coup d'y réfléchir ou de se poser les questions. Et peut-être qu'on reparlera de ça aussi ensemble en classe ou dans le chapitre sur la justice, puisqu'on parlera de politique, de la place de l'art dans nos vies et du fait que il faut peut-être pas uniquement voir ça comme un divertissement, parce que ça peut être dangereux, entre guillemets, ou en tout cas, on peut se passer de beaucoup de choses si on ne voit ça que comme ça. Voilà, ça c'est un des débats actuels sur l'art, on va dire. Outre aussi, évidemment, mais on a parlé ensemble de l'art contemporain, je sais que ça peut être très vu comme trop bizarre, pas intéressant, alors que souvent ce qui manque c'est des explications ou une curiosité pour s'y intéresser. Je dis pas que tout est bien, juste que même quand il y a un tableau blanc devant nous, bah faut pas juste dire super, n'importe quoi, dire ok, pourquoi, c'est quoi l'idée derrière? Essayer de s'intéresser un petit peu à ça pour aller un petit peu plus loin qu'un simple rejet bête et méchant. Voilà. Après, grosso modo, c'est les choses intéressantes, les débats actuels. On pourrait aussi peut-être parler du jeu vidéo, mais bon, c'est ma petite marotte, hein, vous savez, c'est ma spécialité en philo. Je peux vous dire un truc dessus, c'est que souvent on présente le jeu vidéo comme un art total, parce que dans un jeu vidéo, il y a des techniques de cinéma pour les moments où on joue pas, mais on regarde des scènes cinématiques. Il y a de la musique, il y a de la littérature, parce qu'il faut écrire des dialogues et l'histoire et des personnages. Du coup, souvent, on se contente de dire, ah ouais, le jeu vidéo, ça rassemble tous les autres arts. Mais quand on dit ça, c'est ce qu'avait dit Mélenchon, je crois, sur un plateau il y a 2-3 ans pour séduire un peu les jeunes. Quand on dit ah, c'est un art total où il y a tous les autres arts, bah, on ne prend pas en compte la spécificité du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, ce qui le caractérise, c'est le fait que ce soit interactif. Après, toutes les œuvres sont interactives. Un livre, c'est interactif parce que vous devez vous-même imaginer et vous créer des images à partir des mots. Mais là, le jeu vidéo, il est interactif. Concrètement, on voit l'interaction à l'écran et on peut ensuite agir dessus. Donc c'est pas que ce soit interactif qui soit différent des autres arts, c'est que l'interaction, elle se traduit littéralement dans l'œuvre. Alors que quand vous interagissez avec un livre, bon bah il n'y a rien qui se passe, à part dans votre tête. Là, dans le jeu vidéo aussi, il y a l'interaction, elle est traduite concrètement. Mais c'est pas juste un art total, c'est aussi une forme d'art particulière, parce qu'en fait, le gameplay, la jouabilité, donc les règles du jeu, et justement les possibilités qui vous sont données par les créateurs du jeu pour que vous puissiez interagir. Bah, ces règles-là, elles racontent quelque chose, normalement, quand c'est bien fait aussi, un jeu vidéo, et que c'est pas juste un bien de consommation. Un exemple, très bête, je vais vous spoiler un jeu, mais je pense que vous n'y auriez pas joué. C'est un jeu qui s'appelle Brother, A Tale of Two Sons, donc je sais pas, frère, une histoire sur deux fils. Je traduis très mal le titre. C'est un jeu indépendant, donc fait par une petite équipe, pas un gros studio, pas Activision, Blizzard, Rockstar et tout, ceux qui font des très très gros jeux, donc pas beaucoup de budget, où on contrôle deux bonhommes en même temps. Et ça c'est bizarre. Le joystick gauche de la manette, il contrôle un bonhomme, le joystick droit de la manette, il contrôle l'autre bonhomme, les deux frères. Donc c'est un peu dur au début pour comprendre comment ça marche, la jouabilité, on met du temps à la comprendre. Après on joue, on fait des petites énigmes, le jeu dure 4-5 heures, et à un moment donné, spoil, il y a un des deux frères qui meurt. C'est triste. Du coup, la fin du jeu, bah, on contrôle plus qu'un seul des deux bonhommes. Sauf à un moment où on est dans une rivière pour rentrer chez nous et on n'arrive pas à avancer, le courant est trop fort. Et là, presque par l'habitude que le jeu nous a donnée, on bouge l'autre joystick. Et quand on le fait, on entend un peu la voix du frère qui est mort, ou celui qui a survécu se souvient un peu de son frère qui était avec lui, qui lui dit comme dans les animés, vas-y, tu peux y arriver et tout. Et du coup, on bouge les deux joysticks et on arrive à remonter la rivière. Et en fait, du coup, là, ce qui est fort et ce qui est vraiment la spécificité artistique du jeu vidéo, c'est que le joystick droit, le fait qu'on l'avance, ça nous a fait ressentir une émotion, ça nous a raconté un truc. Et c'est là que le jeu vidéo, c'est une forme d'art unique et pas juste une collection de littérature, de cinéma, de musique. Et du coup, c'est intéressant, c'est un détail hein, pour vous, je pense, dans le cours, je pense pas que ce soit super utile, mais même pour votre réflexion personnelle, il faut aussi peut-être se réfléchir à pas juste, ah ouais, le jeu vidéo raconte des histoires quand on joue pas et qu'il y a des scènes cinématiques, mais normalement, le jeu vidéo il raconte aussi des choses quand on joue, justement, et quand on appuie sur les boutons. On est censé pouvoir, normalement, ressentir des choses avec la pression d'un joystick ou d'un bouton quand le cadre est fait pour. Voilà, c'est aussi des questions contemporaines, actuelles sur le monde de l'art qui peuvent être intéressantes pour vous. On va s'arrêter là. C'est plus court que le premier, je vous avais dit. Tant mieux pour vous. On va se quitter du coup sur une chanson d'une artiste, une chanson engagée justement pour montrer un peu que, et ça c'est utile pour vous, pour vos dissertes et tout au bac, la science n'est peut-être pas le seul moyen d'accès à la vérité. Si l'art peut faire changer le monde et peut nous faire réfléchir. Ça peut être un autre moyen d'accéder à la vérité, différent de la science, différent de la logique, différent de la démonstration, qui passe pas par les mêmes moyens, mais qui pourtant peut nous apprendre des choses sur le réel aussi et changer notre façon de voir. Justement, cette chanson d'Anne Sylvestre, une chanteuse belge, donc francophone des années 60, ça s'appelle Une sorcière comme les autres. C'est une chanson féministe. Pour l'époque, c'était assez rare d'être aussi engagée. Dans le combat féministe, hein, souvent on cite dans les grands chanteurs français pas Jacques Brel, Brassens, et on oublie un peu Anne Sylvestre. Elle n'est pas française, mais elle était à la même époque et elle était vraiment très douée, très talentueuse. La chanson est un peu longue, je vous la mets en entier, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout, mais ça vous fait un peu changer. En fait, c'est ça aussi qu'il faut pour l'art, c'est de la curiosité, de l'intérêt, et pas juste que voir ça comme un passe-temps qui va nous vider le cerveau. Du coup, voilà, posez-vous. Buvez un petit thé, le cours est fini, je vous mets la chanson, elle dure un peu longtemps, mais ça peut être une découverte sympathique pour vous. Ça s'appelle du coup Une sorcière comme les autres, d'Anne Sylvestre, et ça peut être un bon exemple d'art engagé et des moyens qu'utilise l'art pour nous faire réfléchir et pour représenter le monde. Voilà, on se dit à bientôt, et puis bah voilà, bon courage pour la suite des événements, hein, bonne continuation. Je déteste ce mot et cette expression, mais écoutez. C'est vraiment des gens insupportables qui disent ça. Ou alors des gens avec qui on n'est pas pote, quoi. Des patrons et tout. Mais voilà, bonne continuation. Et j'espère que vous apprécierez cette musique. À bientôt. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me